Escamillo, torero de Grenade. Escamillo, c'est moi. Je connais votre nom. Soyez les bienvenus. Mais vraiment, camarade, vous pouviez y rester. Je ne vous dis pas non. Mais je suis amoureux, mon cher, à la folie. Et celui-là serait un pauvre compagnon qui, pour voir ses amours, ne risquerait sa vie. Celle que vous aimez est ici, justement. C'est une tignara, mon cher. Elle s'appelle... Carmen! Carmen! Carmen! Oui, mon cher. Elle avait pour amant un soldat qui jadis a déserté pour elle. Carmen! Ils s'adoraient, mais c'est fini, je crois, les amours de Carmen ne duraient pas six mois. Vous l'aimez cependant? Je l'aime. Vous l'aimez cependant? Je l'aime, oui, mon cher. Je l'aime, je l'aime, la folie. Mais pour vous enlever nos filles de bohème, savez-vous bien faut payer. Sot, opéra, sot, opéra. Et que le prix se paye à coup de navaja. À coup de navaja, comprenez-vous. Le discours est très net. Ce déserteur, ce beau soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle me, c'est dans vous. Oui, c'est moi-même. J'en suis ravi, mon cher. J'en suis ravi, mon cher. Elle est tournée, complète. Elle est ma colère. Les gens qui parlent le sang. Elle est dans mes yeux. C'est tout, mais tout est dans mon. Elle est ma colère. Les gens qui parlent le sang. Mettez-vous en garde, veillez sur vous. Mettez-vous en garde, veillez sur vous. Tapis, tapis pour qui t'entendre pour les coups. Mettez-vous en garde, veillez sur vous. Je la connais, ta garde navarraise. Et je te préviens, un ami, qu'elle est voyante. À ton aise, je t'aurais du moins averti. Tu m'épargnes, maudit. Quand ce jeune couteau, je suis trop fort pour toi. Cela Saut, mais au moins